Et lorsqu'il leur fut dit « Habitez cette cité et mangez de ses produits à votre guise, mais dites « Rémission à nos péchés et entrez par la porte en vous prosternant », nous vous pardonnerons vos fautes et aux bienfaisants d'entre vous, nous accorderons davantage. »